Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et aujourd'hui dans le Mag, on va parler déchets. Alors pourquoi me direz-vous ? Pour une raison bien simple, c'est que du 1er au 31 mars, c'est le mois du vrac et du réemploi en Indre-et-Loire. Une campagne portée nationalement par le réseau Vrac et Réemploi et déclinée chez nous par Touraine Propre. L'objectif, c'est de nous donner des clés simples et efficaces pour réduire nos déchets en adoptant la consommation en vrac et le réemploi des emballages. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Gauthier Chaussard, qui est responsable de la prévention à Touraine Propre. Bonjour Gauthier. Bonjour Marlène. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappel de ce qu'est Touraine Propre. Ouais, alors Touraine Propre, c'est un service public, hein. On est une collectivité et nos adhérents, donc on est un syndicat mixte, nos adhérents, ça va être les principales intercommunalités du département. Donc localement, ici, ça va être par exemple Touraine-Est-Vallée ou le SMICTOM d'Amboise ou la métropole de Tours. Alors on va poser un petit peu le décor. En Indre-et-Loire, Gauthier, est-ce qu'on jette beaucoup d'emballages et combien par an par exemple ? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner des chiffres ? Ouais. On a des chiffres précis, hein. Nous, Touraine Propre, on a aussi ce rôle d'observatoire départemental des déchets. Chaque année, en Indre-et-Loire, chaque habitant produit environ 545 kg d'ordures ménagères, déchets de collecte sélective, c'est-à-dire les poubelles jaunes, et de déchets apportés en déchetterie. Donc 545 kg par an par habitant. Et parmi ces 545 kg, on a environ 60 kg d'emballage. Par habitant et par an. Exactement. C'est énorme. C'est énorme et c'est beaucoup. C'est ce qu'on retrouve dans la poubelle jaune. Alors comment ils finissent ces déchets concrètement, ces emballages pour le coup ? Alors c'est assez varié, ça dépend beaucoup des territoires. En Indre-et-Loire, on a deux grands centres d'enfouissement. Donc là, ça va plutôt à l'enfouissement, ça va être les ordures ménagères qui vont aller à l'enfouissement et une partie des encombrants de déchetterie. Et pour la partie est du département et la partie ouest du département, ça va plutôt aller vers l'incinération, notamment vers Blois ou vers le Maine-et-Loire. Ok. Est-ce qu'on le surestime, le recyclage, parfois ? Alors oui, hein, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'est vrai que les discours autour du recyclage, ils prennent beaucoup de place dans les médias et dans les discours des collectivités également. Nous, la mission de Touraine Propre, c'est vraiment d'essayer de remettre au centre du débat la prévention, qui est normalement la priorité. Hein. Donc comment on évite le déchet avant d'en faire autre chose ? Le meilleur déchet étant celui qui n'existe pas. Exactement. Et est-ce que, alors la question entre nous, personne ne nous écoute, est-ce que le fait qu'on approche par exemple des élections municipales, ça fait qu'il y a beaucoup plus de politiques publiques qui s'intéressent là au tri des déchets par exemple ? C'est un ressenti ou pas du tout ? Alors, sur les élections municipales, ça va avoir un petit impact parce que les maires vont élire des présidents d'intercommunalités qui, eux, sont en charge de la gestion des déchets. Eh oui. Or, le coût de traitement des déchets, hein, c'est-à-dire la tonne enfouie ou la tonne incinérée, augmente beaucoup ces dernières années. Donc, l'enjeu de réduire nos déchets à l'échelle locale, il devient très important pour les finances publiques. Donc, du coup, ça répond à la question. Et pourquoi le vrac, c'est une solution efficace, alors ? Le vrac, bah, c'est tout simplement parce que c'est une action qui est accessible à l'ensemble des habitants. Ça prend plein de formes différentes, hein. Le vrac, il est partout. C'est vrai qu'on parle beaucoup des commerces de vrac, des épiceries vrac, mais en fait, le vrac, on en trouve aussi sur le marché, sur les marchés de plein air. On en trouve dans les grandes surfaces, on en trouve dans les commerces de bouche, quand on achète des plats emportés, par exemple. C'est sa petite part. Exactement. Ouais. On peut venir avec un contenant réutilisable pour éviter justement la création d'emballages plastiques uniques, à usage unique. Et voilà, c'est ça en fait aussi le vrac. Et alors, est-ce que c'est plus cher ? Parce que beaucoup d'auditeurs, j'imagine, on l'entend dire ça, oui, mais le vrac, alors c'est super, mais par contre, plus cher quoi. Ouais, bien sûr. En fait, le coût du vrac qui est mis en avant comme ça, c'est souvent dans les épiceries vrac qui sont... Biocoop et autres... C'est ça. Et en fait, on mélange aussi avec le bio, et qui fait forcément augmenter les prix. Mais le vrac, c'est juste une façon d'emporter ces fruits et légumes, hein, sur un marché. On peut acheter du vrac, des légumes, des fruits, des légumes et n'importe quoi, de l'apéritif, des olives. On ramène un petit contenant qu'on réutilisera, qu'on lavera chez soi. Et voilà, on peut l'acheter à des prix tout à fait abordables. Et ça permet effectivement, comme vous le disiez, de maîtriser les quantités. Quand on parle de gaspillage alimentaire, moi j'ai lu 29 kg de déchets alimentaires par an et par personne, dont 7 kg encore emballés. Ouais, exactement. Ça, c'est les chiffres au national, c'est les chiffres de l'ADEME. Donc oui, en effet, dans nos ordures ménagères, on a encore une grande part. Il faut savoir qu'en Indre-et-Loire, Les ordures ménagères par habitant, c'est à peu près 180 kg par habitant et par an. Dans ces 180 kg, en effet, il y a quasiment 30 kg de gaspillage alimentaire, dont une bonne partie est encore emballée, donc c'est des emballages à usage unique, souvent du plastique, qui ont des impacts sur l'environnement qu'on connaît. Et oui, donc on peut dire que le vrac, c'est économique alors. Le vrac, c'est vertueux à plein d'égards. Je vous propose qu'on marque, Gauthier, une pause en musique avec un choix de votre part. C'est Quicksand. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une musique que je trouve plutôt agréable, relaxante et j'écoute ça pour me détendre. Ah bah c'est parfait. Détendons-nous sur Radioactive avec ce titre. On se retrouve tout de suite après pour parler du programme de ce mois du vrac et du réemploi. Quicksand, Joe York sur Radioactive. Vous êtes toujours avec nous dans le MAG. Aujourd'hui, nous accueillons Gauthier Chaussard, qui est responsable de la prévention à Touraine Propre. Gauthier qui va à présent nous parler de l'événement, l'actu du moment, du 1er au 31 mars. C'est le mois du vrac et du réemploi sur tout le département d'Indre-et-Loire. Une campagne portée nationalement par le réseau Vrac et Réemploi. et décliné chez nous, comme on le disait en début d'émission, par Touraine Propre. Alors pendant tout ce mois, vous allez proposer des animations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, Gauthier, concrètement ? Alors en effet, c'est vrai que le mois du vrac et du réemploi, c'est une opération nationale de sensibilisation à justement à des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, des nouvelles façons de consommer. Donc notamment l'achat en vrac et l'utilisation de contenants réemployables. Et donc pour le mois du vrac et du réemploi, Touraine Propre en Indre-et-Loire organise différents événements. Mmh. Le premier, ça va être la visite du restaurant de l'école primaire de Truis. Donc c'est pas très loin d'ici. Ce sera le 4 mars à 14h30 à 15h30. On a choisi ce restaurant parce qu'il est exemplaire. Et oui, en fait on l'a choisi parce qu'ils sont exemplaires à plein de niveaux. Ils font un gros travail sur la réduction de leurs emballages jetables, sur le compostage aussi des restes alimentaires. Et du coup voilà, c'est une structure qu'on aimerait bien faire découvrir au grand public et pas seulement aux parents d'élèves qui seront ravis de voir comment fonctionne la restauration de leurs enfants. Mais voilà, c'est un événement donc gratuit sur inscription. Rendez-vous sur le site touranepropre.fr pour vous inscrire. Ça sera donc le mercredi 4 mars de 14h30 à 15h30. On a une seconde visite également qui est prévue le 7 mars, le samedi 7 mars, de 15h30 à 16h30. C'est un peu plus loin, ça sera vers Loche, juste dans les locaux de la gare de Loche. C'est l'épicerie vrac minimaliste qui nous ouvre ses portes pour une visite et découvrir concrètement comment ça se passe, l'achat en vrac, comment on peut aussi investir dans des contenants réemployables. Et puis en plus, c'est l'occasion de découvrir des produits. Mmh, on n'achète pas forcément, du quinoa ou je ne sais quel autre produit qu'on n'a pas l'habitude non plus de consommer, donc c'est plutôt chouette. Moi, généralement, ce genre d'endroit, ils font aussi un gros travail sur le sourcing, c'est-à-dire sur les producteurs qui choisissent de mettre en avant, souvent des producteurs locaux aussi, dans la mesure du possible. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir les richesses de son territoire. Donc à Loche, le 7 mars. C'est ça. Pareil, les inscriptions sur le site de touranepropre.fr. C'est gratuit. Ok, ouais, tout est gratuit en fait. Tout est gratuit. Parfait. On aime bien ce qui est gratuit. Ok, et puis il y a une collecte départementale des gobelets réutilisables. Alors ça, on en parlait hors antenne. Oui. Superbe idée. Ouais, c'est vrai que on en parlait un petit peu et on a tous et toutes des tonnes de gobelets qu'on accumule de festival en festival, d'événement en événement, qui dorment dans nos placards, qu'on utilise finalement assez rarement. Souvent, il y a ce petit syndrome de la collectionnite qui nous attache émotionnellement à certains de ces gobelets. C'est vrai, mais même quand on arrive à un festival, on se dit toujours « Ah, j'ai pas pensé à mon éco-cup ». Et donc du coup, on rachète une éco-cup et puis on se dit « Je vais la garder en souvenir » et puis on en a plein les placards. C'est ça. Ouais. En fait, ce projet de collecte départementale, on n'est pas tout seul à le porter. C'est aussi avec il y a une coalition régionale des événements durables qui essaye de mettre en place des pratiques de mutualisation de matériel. Là, en l'occurrence, on commence par les éco-cups. L'idée, c'est vraiment de créer un stock au niveau du département d'éco-cups, de gobelets réutilisables, pour pouvoir les dispatcher sur tous les événements locaux, culturels et sportifs. Donc on commence par les gobelets réutilisables, mais à terme on pourra essayer de mutualiser aussi d'autres types de matériel, comme des barrières, des poubelles, des cendriers, tout ce genre de matériel qui finalement sont utilisés que quelques jours dans l'année par événement, alors qu'ils pourraient être utilisés sur plusieurs événements tout au long de l'année. Ben oui, c'est du bon sens finalement. C'est du bon sens, mais c'est aussi des nouvelles pratiques. La mutualisation, ça va pas de soi, et c'est vrai que souvent c'est plus simple d'investir dans du matériel neuf ou de seconde main pour son utilisation. On maîtrise le calendrier. Là, ça vient avec aussi une démarche de coopération, de discussion, d'échange avec les autres structures du territoire qui étaient peut-être parfois concurrentes et qui arrivent à se retrouver sur des projets communs comme celui-ci. Alors Gauthier, vous impliquez aussi les commerces avec l'autocollant. Ici, on accepte les sacs, bocaux et contenants propres. D'ailleurs, j'en ai eu un en cadeau, je vous en remercie encore. Est-ce que ça change vraiment les habitudes ? Alors cet autocollant, à la base, il est là pour rappeler une réglementation nationale qui est celle depuis 2020. En gros, les commerces de bouche ont l'obligation d'accepter les contenants de leurs clients lorsqu'ils sont propres, pour pouvoir les servir dedans et éviter justement la production d'emballages plastiques à usage unique. Donc c'est un rappel de la loi, de ce qui est autorisé, ce qui est normalement... Normalement, ça fait deux fois que vous le dites. Ça veut dire que concrètement, sur le terrain, il y a encore des enseignes qui évidemment refusent. Ouais. Évidemment, ouais. Soit par méconnaissance, soit par confort aussi, par des habitudes bien ancrées. L'idée, là, c'est à la fois donner un coup de pouce aux commerces qui sont volontaires, qui ont envie d'avoir des pratiques plus durables et de les communiquer à leurs clients pour pouvoir les inciter et puis parfois aussi orienter le choix des usagers vers tel ou tel commerce qui pourra accepter leur contenant sans culpabilité, sans crainte d'être refusé. Comment vous agissez auprès des plus jeunes dans le milieu scolaire, par exemple ? Vous intervenez, vous faites quoi ? Alors, au sein du syndicat mixte de Touraine Propre, c'est une des actions un peu phares et assez anciennes. Nous, notre syndicat, il a une vingtaine d'années. Et les animations scolaires, donc plutôt en école, elles ont été mises en place assez rapidement. Et aujourd'hui, on est à peu près à 200 animations scolaires par an sur l'ensemble du département. Ouais, c'est top, ça. Ces animations scolaires, elles viennent en complément de celles qui sont déjà organisées par chacune de nos collectivités adhérentes. Elles viennent compléter ce programme, par exemple avec des thématiques comme le gaspillage alimentaire, évidemment la réduction des déchets, mais aussi parfois juste le trajet des déchets, qu'est-ce qui se passe entre la poubelle et la fin de vie du déchet, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qui lui arrive. Voilà. On avait assisté justement à une animation super intéressante à l'école d'Amboise, donc là on repart dans le Val d'Amboise avec le SMICTOM, sur le compostage, et donc l'animatrice qui arrivait avec ses lombriques. Pour expliquer justement tout ce processus et en fait c'est vrai que les gamins ils sont complètement captés, c'est vraiment des très belles initiatives. Ouais, bien sûr, et puis ça les sort un peu de leur cadre du quotidien. Nous, un des enjeux c'est vraiment d'essayer de renforcer ces animations scolaires au niveau départemental. C'est un des grands enjeux du programme départemental qui a été adopté par toutes les collectivités d'Indre-et-Loire en 2024 et qui va se dérouler sur 6 ans, donc jusqu'en 2030, avec un objectif assez ambitieux de réduire l'ensemble de nos déchets de 16% d'ici 2030. Et parmi les nombreuses actions, il y en a une quarantaine en tout, le renforcement des animations scolaires et vraiment d'arriver à instaurer une forme de cycle d'animation tout au long de la scolarité des enfants pour rabâcher, c'est de la pédagogie, oui, mais... c'est rabâcher... Si justement, en rentrant de l'école, ils le rabâchent chez eux, c'est gagné, quoi. Exactement, ouais. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à aller plus loin sur cet axe-là. Et je sais pas combien de recul vous avez, vous Gauthier, ça fait combien de temps du coup que vous intervenez dans ce champ-là et qu'est-ce qui vous a conduit à ça d'ailleurs ? Je vous ai pas posé la question. Moi je suis arrivé à Touraine Propre en 2023, justement dans le cadre de l'élaboration de ce programme départemental. J'ai participé à la co-construction, c'est un programme qui a été construit avec l'ensemble des acteurs locaux, des associations. Il se trouve qu'en Indre-et-Loire on a beaucoup d'associations qui sont très mobilisées et très, très intéressées par ces sujets-là de la réduction des déchets. Je pense à Mont-Louis, il y a par exemple la petite brosse évidemment. Ou vers Amboise aussi, on a la NEVA, Nature Environnement Val d'Amboise, qui est très, très investie dans ces sujets-là, notamment du vrac. Moi je suis arrivé il y a 3 ans maintenant, et j'ai toujours, depuis la fin de mes études, travaillé dans le domaine des déchets. J'ai commencé en centre d'enfouissement, après j'ai fait un petit tour au ministère des Outre-mer, sur la question de la gestion des déchets aussi, et donc j'ai pu voir à la fois la partie très très aval de la gestion des déchets, l'enfouissement, les volumes qu'on déverse dans les centres d'enfouissement, et la partie très amont avec la réglementation nationale, voire déclinaison européenne, etc. pour ensuite arriver à un échelon territorial qui me semblait, moi, plus concret, voir comment on peut agir sur... autour de chez soi. Voilà, avec des impacts mesurables qu'on voit et auxquels on participe. Et alors, les mentalités, elles évoluent ? En 3 ans, là, quelques 3 petites années de recul, est-ce que... Pour moi, la première victoire, c'est déjà d'arriver à mettre toutes les collectivités du département autour d'un même projet de réduction des déchets. C'est des sujets qui étaient plus difficiles à faire exister il y a encore quelques années. Bon, il n'y a pas que l'action de Touraine Propre, évidemment, on en a parlé en début d'entretien, il y a l'augmentation du coût de traitement des déchets qui vient impacter très fortement les finances des collectivités. Et donc finalement, aujourd'hui, discours autour de la réduction des déchets, il est écoutable, il est entendable. Oui, et puis j'avais envie de rebondir sur le fait que du coup, pour maîtriser ses coûts et voir les réduire, on a des collectivités qui choisissent de réduire les ramassages. Oui. Et ce qui provoque des levées de boucliers de la part des riverains, c'est pas facile comme sujet. Non, c'est pas simple. C'est des sujets qui sont très politiques aussi et qui nécessitent aussi de la concertation locale, de la pédagogie. Il faut accompagner en fait ces changements de comportement autant qu'on peut. Et c'est pas simple. Si vous deviez donner un premier pas justement à nos auditeurs pour se lancer dans de meilleures habitudes, ce serait quoi pour démarrer en douceur? Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du vrac, et du coup, j'ai envie de rester quand même sur le vrac. Mm-hmm. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais l'eau du robinet, c'est le premier geste du vrac, hein, plutôt que d'acheter une bouteille en plastique. Est-ce qu'elle n'est pas un peu polluée, l'eau du robinet? Il faut se renseigner, ça dépend des endroits, évidemment. Mais entre ça et des microplastiques, des fois, il y a match. C'est vrai que la question peut se poser, effectivement. Donc plutôt habitude à aller vers le vrac. Oui, le vrac, l'eau du robinet, et puis tout simplement aller sur le marché le dimanche matin, le samedi matin, ça dépend où vous habitez. Mais aller acheter avec votre petit sac, votre cabas, et acheter des fruits et légumes en vrac. Puis ce qui est d'autant plus sympa, c'est que par exemple, si vous promenez sur le marché d'Amboise, vous pourrez aller chercher vos denrées en vrac et passer devant la friperie ambulante de Mélanie. Et pourquoi pas continuer ce geste-là autour de ce commerce circulaire qui est de racheter et d'être dans le réemploi, évidemment. Ouais. Super, merci beaucoup Gauthier d'être venu nous parler de ces solutions simples et finalement très accessibles à tous. Avec plaisir, merci à vous pour cette invitation. On rappelle que toutes les infos, les dates des visites, on peut les retrouver sur touraine-propre.fr, oui. C'est ça, avec tous les horaires. Oui, site web touraine-propre.fr. Et que le mois du vrac et du réemploi, c'est jusqu'au 31 mars en Indre-et-Loire. On le rappelle, c'est une opération nationale, comme l'a souligné Gauthier. Donc réduire ses déchets, ça n'est pas une révolution totale dans sa vie, mais ça peut commencer par un bocal, un petit sac et un réflexe différent. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radioactive. Merci à vous, à bientôt. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.